بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقد رأينا بالأمس أن الراجح في مسألة الجمع في السفر أنه مشروع. On a vu hier que l'avis le plus juste concernant le sujet du rassemblement entre deux prières, regroupement entre deux prières durant le voyage, l'avis le plus juste, c'est que cet acte est légiféré. Et certes, les savants, eux-mêmes, ensuite, ils ont divergé concernant ce voyage. Et donc, on a vu qu'El Jumhur, la grande majorité, ils voient qu'il est permis de rassembler, de réunir les prières durant le voyage. Mais ils ont divergé. فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ إِذَا كَانَ الْمُسَافِرُ سَائِرًا وَلَيْسَ نَازِلًا. Et donc, et certains, ils ont dit que il est permis aux voyageurs de réunir deux prières lorsqu'il est en déplacement. Il se déplace. Exemple, tu voyages d'ici jusqu'à La Rochelle. Tu t'arrêtes 2 jours à Paris. Les 2 jours tu t'arrêtes à Paris, tu fais pas le jama. Pourquoi? Parce que t'as nazil. Là, tu t'es arrêté à un endroit et tu vas rester quelque temps à cet endroit. Là, tu fais pas le jama. Et lorsque tu reprends la route entre Paris et La Rochelle, ce jour du voyage là, tu peux faire le jama. C'est tout. هذا القول هو المعروف المشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى ودليله هو حديث ابن عباس الذي بدأنا دراسته بالأمس. Et la vie, donc la preuve de l'imam Malik ici, c'est le hadith d'Ibn Abbas qu'on a vu hier. Ibn Abbas qui nous dit أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يجمع بين الظهر والعصر إِذَا كَانَ سَيْرًا إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ. Et donc, Ibn Abbas qui nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était en voyage, il rassemblait entre dhuhr et l'asr lorsqu'il se déplaçait. Lorsqu'il se déplaçait. Et donc, c'est pas lorsqu'il était arrêté à un endroit. Et donc, l'imam Malik, il s'est appuyé sur ce hadith pour dire que al-jam' c'est que lorsque tu te déplaces. وذهب الإمام الشافعي ومعه الإمام أحمد في رواية عنه بل المشهور إلى جواز الجمع في السفر مطلقا. الإمام الشافعي ainsi que l'imam Ahmed, dans une des deux narrations, l'imam Ahmed sur ce sujet, il a plusieurs avis, et un de ces deux avis c'est donc celui-ci, l'avis de l'imam الشافعي, qui est que il est permis durant le voyage de réunir entre الظهر et العصر, et entre le Maghrib et l'Isha, que tu sois en déplacement ou alors que tu sois en arrêt, que tu sois donc arrêté à une station, à un endroit précis pendant quelque temps. قالوا حديث ابن عباس دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين في السفر وهو سائر لكنه جاءت أدلة أخرى تَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ لِلنَّازِلِ. Et donc ils ont dit que le hadith d'Ibn Abbas, il montre qu'il est permis de réunir entre deux prières lorsque la personne se déplace. Mais il y a d'autres preuves. Il y a d'autres preuves qui montrent qu'il est permis aussi de le faire lorsque la personne s'est arrêtée à un endroit précis. فقالوا فقد أخرج مسلم في صحيحه عن معاذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. L'imam مسلم il a cité dans son صحيح selon معاذ qui dit, nous sommes partis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Tabouk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait le dhuhr et asr ensemble. Et le maghrib et l'isha ensemble. والمعلوم أن غزوة تبوك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 ليلة. Et certes, il est connu que le prophète صلى الله عليه وسلم lors de cette bataille, la bataille de Tabouk, le prophète, il est resté donc à Tabouk durant 20 nuits. Durant 20 nuits, il est resté à Tabouk. وقد روى الإمام مالك في الموطأ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ولفظه فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. L'imam Malik, il a cité ce hadith dans son Muwatta, et les termes qu'il a cités, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a retardé la prière de Dhuhr, il l'a retardé. Alors il est sorti et il a prié Dhuhr et l'Asr ensemble. Puis il est rentré. Puis il est sorti et il a prié le Maghrib et l'Isha ensemble. فَكَانُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ دَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ لِلنَّازِلِ. Et donc le fait que le prophète صلى الله عليه وسلم il rentrait, il sortait, ça c'est une preuve qu'il n'était pas en déplacement, il n'était pas en train de se déplacer. Et donc ça montre qu'il est permis de réunir deux prières, que la personne soit en train de se déplacer ou pas. ثم ينبغي أن يعلم أيضا أن الجمع ليس خاصا في السفر. Et aussi, il est important de savoir que le jam, le fait de réunir entre deux prières, ce n'est pas spécifique au voyage. بل قد يجمع بين صلاتين في الحضر. Mais nous pouvons réunir deux prières sans voyage. On ne voyage pas, on est donc dans notre ville de résidence et on peut réunir deux prières. أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. L'imam مسلم il a cité dans son صحيح selon ابن عباس que le prophète صلى الله عليه وسلم il a prié à Médine et qu'il a regroupé الظهر والعصر et aussi المغرب avec العشاء sans pour autant qu'il y ait quelconque crainte. Ce qui est voulu par la crainte ici, c'est lors de la bataille, lors du combat, il n'y ait quelconque crainte, ni qu'il n'y ait quelconque pluie. فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك. Alors il fut dit à Ibn Abbas, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait par là? Alors il a répondu, Ibn Abbas radiallahu anhuma أراد أن لا يحرج أمته. Il voulait que sa communauté ne soit pas dans la gêne. Il voulait, sallallahu alayhi wa sallam, que sa communauté ne soit pas dans la gêne. Et dans une autre narration, toujours dans Sahih Muslim, min ghairi khawfin wala safar. Et dans une autre narration, toujours dans Sahih Muslim, donc il dit Ibn Abbas que le prophète il a réuni les prières sans qu'il n'y ait quelconque crainte ni voyage. Fekol ahlul ilmi. إنه كان معروفا عند الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن لهم بالجمع بين الصلاتين للخوف والمطر كما أنه أذن لهم ذلك للسفر. Les savants ils ont tiré de ce hadith. Ibn Abbas, il nous dit cela, pourquoi? Parce qu'il était connu chez les gens, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur permettait de regrouper deux prières, donc, pour la crainte, et aussi pour la pluie, de la même façon qu'il leur a permis de regrouper entre deux prières pour le voyage. وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ رَفْعُ الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ. Et la sagesse qu'il y a en cela, c'est le fait d'enlever la gêne et la difficulté. La gêne et la difficulté. Faites tabib. Alladhi yakumu bi amaliyatin jarahiyya. Le médecin qui fait une opération, donc, subhanallah, j'ai oublié le terme en français. Une opération chirurgicale. Barakallahu fik. Il est en train d'opérer le cœur de quelqu'un. Est-ce qu'on va lui dire, ya docteur, خلاص جاء وقت الصلاة جاء وقت الصلاة يلا نصلي الجماعة الجماعة va te dire mais son cœur je suis en train d'opérer son cœur الجماعة يلا non on lui dit تكمل عمليتك ثم تجمع بين الظهر والعصر tu finis ton opération et ensuite lorsque tu as fini tu vas rassembler en tout cas les deux prières الظهر et العصر. Les savants ils ont cité plusieurs exemples comme cela. Ils ont cité le hariq lorsqu'il y a du feu. Il y a du feu, donc les pompiers viennent pour éteindre le feu, il y a le temps de la prière qui vient, on leur dit « Ah, khalas, salat, c'est bon, on laisse le bâtiment brûler, on va prier. » Non, ils finissent leur travail, ensuite ils réunissent les deux prières, Inch'Allah ta'ala. « Amma ma yahsulu al-yawm » En ce qui concerne ce qui se passe aujourd'hui, à notre époque, « Min al-man'i, ou min man'i tajawul, ba'd sa'ati sabi'a masa'an » فهل لنا أن نجمع بين المغرب والعشاء خوفا من فوات صلاة الجماعة. En ce qui concerne ce qui se passe actuellement, le fait que il nous est interdit de sortir des demeures après 7 heures du soir. 6. Encore, je me suis trompé encore aujourd'hui. Subhanallah. 18 heures. Mashallah. Après 18 heures. Et donc est-ce qu'il nous est permis pour cela, donc, de réunir entre le Maghreb et l'Isha à la mosquée parce qu'on craint de rater les mérites de la prière en groupe? Est-ce que cela est permis ou pas? فَكُنْتُ أَكُولُ سَابِقًا بِعَدَمِ الْجَمْعِ بِنَ الصَّلَاتَيْنِ أَخْذًا بِكَوْلِ مَشَيِّخِنَا وهو أن العبادة توقيفية والجمع لا بد له من سبب مشروع. Et donc avant je disais que il n'était pas possible, on ne pouvait pas réunir entre El Maghreb et l'Isha à la mosquée pour cette raison. Pourquoi? Parce que je prenais l'avis de nos mécheïrs qui disent que El Jam, le fait de réunir entre deux prières, c'est un acte d'adoration. Et l'acte d'adoration nécessite des preuves. Et donc, il faut des preuves concrètes pour montrer que la raison pour laquelle tu as réuni entre deux prières est une raison légiférée. On a cité précédemment le voyage, la pluie, la crainte. Et donc, certains de nos méchirs, ils voient que ce qui se passe aujourd'hui, le fait qu'on ne peut pas sortir des demeures après 18 heures, ce n'est pas une raison qui nous permet de rassembler entre deux prières. On fait El Maghreb à la mosquée ensemble et ensuite chacun prie dans sa demeure chez lui. لكن أحد إخواننا أطلعني على إحدى فتاوى الشيخ الألباني رحمه الله. Cependant, un de nos frères, il m'a montré une des fatawa de Sheikh Al-Albani رحمه الله تعالى في هذه القضية. وشيخ الألباني قاس بين المشقة الحاصلة بالمطر وبين المشقة الحاصلة بمنع التجول. Et Sheikh Al-Albani, il a donc fait l'analogie entre la difficulté qu'il y a, qui est causée par la pluie, et donc que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a permis aux compagnons de réunir entre deux prières à cause de la difficulté qu'il y a lié à la pluie, et il a fait l'analogie entre donc cela et aussi entre le fait que et aussi entre la difficulté qui est liée à l'interdiction de sortir des demeures après une certaine heure. Il dit donc il n'y a pas de mal. Cheikh Al-Albani rahimahullah, il dit qu'il n'y a pas de mal à cela. Fait في الحقيقة قال شيخ الألباني رحمه الله قول قوي هو قياس والشيخ استدل كما ترون بهذا القياس. L'avis de Cheikh Al-Albani, c'est un avis quand même qui est fort, et comme vous le voyez, il a utilisé l'analogie que je vous ai citée. والقول الأول أحوط, et le premier avis il est plus sûr. فإنه لا يأتيك أحد يقول صلاتك غير صحيحة, personne ne viendra te voir et te dire ta prière n'est pas valable. فالذي أريد من إخوتي أن هذه المسألة مسألة خلافية. Et donc ce que je veux de mes frères, c'est que ce sujet est un sujet de divergence entre Ahl al-Ilm. C'est un sujet de divergence. Fala tushaddidu ala ikhwanikum min ajli hadhihi al-mas'ala. Et donc, n'appliquez pas la dureté envers vos frères à cause de ce sujet. Ton frère, il a pris la vie d'un savant. Alhamdulillah, un savant d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. L'autre, il a pris la vie d'un autre savant. Alhamdulillah, c'est la vie d'un savant d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Maintenant, il ne faut pas commencer comme on fait. J'ai entendu certains frères parfois. Ah, telle et telle mosquée, ils font le jam'a entre Maghrib al-Isha, Ouzoubillah, etc., etc. Tout ça, justement, les frères, c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que c'est profitable lorsqu'on étudie les divergences. Lorsque tu étudies les divergences qu'il y a entre les ulema, tu commences à respecter les avis des ulema. Tu commences à respecter. Parfois, les gens, par ignorance, ils vont penser que ça, c'est un call de al-bida. Comme il y en a un qui m'a dit, ah, ça, c'est l'ikhwan. Rassemble en deux prières à la mosquée, c'est l'ikhwan. Et donc, il faut faire très attention, barakallahu fikoum, par rapport à ça. Et je dis bien ça, c'est un sujet de jurisprudence, un sujet de divergence. On ne parle pas ici des usul, des fondements de la religion. Et donc, chacun prend son avis et on n'impose pas aux autres. Si les responsables de la mosquée, ils ont opté pour un avis, alors de la même façon, ils ne sont pas blâmés, de la même façon que chacun peut prendre son avis sans être blâmé. Voilà, donc, ce que j'avais à dire par rapport à ça. On va prier, inshallah ta'ala. Barakallahu fikoum.